3, 7, 6, zo. La vraie zone, là où vous flippez vous autres. Au chômage, RMI et ACDIC. On va dépouiller Panam City. Car ça, on l'a assez dit. Face au crime, on a cédé. Dans le béton, y'a assez d'air pour élever des générations. Le narvalo en manque de ration. On veut du shit et des gun-ton. Laisse place aux gueudins, oublie les gabiens. Tous armés au com-con. Dans les halls, on est tous hal. Le sang sur les mains, on est tous sales. Ma banlieue est toute seule et ça me fout le seum. Rangeant à en temps et en heure, sinon je te baisse ton honneur. On te braquera chez toi à domicile. Et si tu craches pas la thune, cousin, c'est l'homicide. Oh, mais c'est le genre de lyrics hilarant que je déteste. Pas de ça, dans le cas, ce couplet, c'est un test. Nous, c'est S-K-Y-A-E-M-P-A-T-H-I-K. Un code qui t'intéresse à Tchéka. Nous, c'est S-K-Y-A-E-M-P-A-T-H-I-K. Un code qui t'intéresse à Tchéka. Moi, c'est S-K-Y-A, je représente du 7, c'est 193. Y'a plus de 180 tests, tu veux pas, je blesse. La croix, c'est le Maghreb comme Barbès. Je représente nos putains de plaques. Là où ça fume des blagues, là où ça pèse les cordes, là où ça pèse des frocs, là où ça brasse du fric, là où ça vend du shit. Dans chaque fois choc, et fais mouiller ta grosse chatte. Bah ouais, demande pas, c'est ce qu'il y a sur le queutra. Et je parie que t'as le queutra, le queutra. Par la vis, là où ça plante, on tourne le vis, on tourne le vis, les vis c'est vers ça. Je pèse tout dans les halls, chaque scarla se reflète dans son rôle. J'suis en pole position, toujours avec la famille. Face à nous, tu cries famine. Que des fameux qui descendent au famas. Ça fait mal, ça signale. Comme la cocaïne, ça fait mal comme mon poteau Karim. Ouais, ce mec, t'as kiffé le couplet, mais le rap c'est pas as. C'est pas mal, ça, c'est t'as vraiment kiffé. Nous, c'est S-K-Y-A-E-M-P-A-T-H-I-K. Un code qui t'intéresse à Tchéka. Nous, c'est S-K-Y-A-E-M-P-A-T-H-I-K. Un code qui t'intéresse à Tchéka. J'me lance sur le beat comme un toxico sur ta coke. Tu sais déjà qu'à mes côtés, tu ressembles à un keck. J'défonce le beat, j'encule le monde pour faire mon buzz. Dis à ta meuf que je veux plus que lui faire la bise. J'organise des soirées qui se finissent tout en baisse. Je traite les meufs de chaîne, pourtant c'est les premières à mettre mon CD dans leur chaîne. Ce qu'on appelle un paradoxe, comme ce texte bidon dépravé qui pue l'intox. Qui ne l'a pas compris, ici rien n'est vraiment réel. Beaucoup kiffent cette merde qui n'a rien d'éternel. Trop de mythos, prophètes, SDF ou bandits. Un texte pour MC, B-Boy averti. Ouais.